si on a tout approuvé. Pas facile, quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on s'enferme, alors on maquille. Le souci a pu s'y retrouver, on garde la tête haute car ici on a tout approuvé. Trop de déception, trop peu de réponses à mes questions. Je trouve pas la bonne direction, trop de fois je suis en réflexion. Trop d'embrouilles mec, trop d'histoires qui font mal à la tête. Et puis ça se répète, à foutre en l'air ma perception. Et mec ton, ma patience nourrit l'espoir. Trop de pression qui nuira pas ma raison d'y croire. Alors je m'exprime, là je des rimes pointues comme à l'escrime. Mais je stream dans la vie, ouais comme tous ces jeunes qui dépriment. Cet air un casse-tête ou certains incarcèrent. Ici c'est corsé, mon cœur égorgé par un coup de serre. La haine nous blesse tous, la peine nous crève tous. Des mots c'est dément car ces démons nous pèsent tous. Même dans la merde, tu sais je fais pas appel au pute. Je vais être libre dans ma tête, virer tout ce qui me préoccupe. Aucune autre façon de s'en sortir sans rien lâcher. Mais quand la peine s'en mêle, la feuille est ma thérapeute. Du 9, 4 au 8, 9 mecs, c'est la même partout. Que tu sois rebeu, renois, chinois ou même baptou. On gagne tous, moi je veux grimper, grimper jusqu'au gratte-ciel. Mais la vie devient plus dure quand la peine y met son grain de sel. C'est pas facile, quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on s'enferme, alors on maquille. Nos soucis à plus s'y retrouver, on garde la tête haute car ici on a tout approuvé. Pas facile, quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on s'enferme, alors on maquille. Nos soucis à plus s'y retrouver, on garde la tête haute car ici on a tout approuvé. Ça sent la merde, j'ai l'impression que le monde change. Tous pleurent sous pression, je trouve ça étrange. À force d'écrire la peine, mes mots se perdent. S'en mêlent comme le sang de tous mes emmerdes. À chacun ses erreurs, devant toutes ses terreurs. À telle heure, j'atterris sur le beat. J'avoue des fois ça me fait peur, putain. Je trouve que toutes ces rues deviennent tristes. Ça joue qu'à se taper pour les mêmes roues motrices. À cœur ouvert, j'accompte les larmes, baissant mes armes, mais pas mes états d'âme. Devant ces éclats bruts, sans âme, couvert de flammes. Nice OL, j'esquive pas la pluie. Mais les gens qui m'ennuient, peace and love. Message de paix, même à tous ceux qui les fuient. Qui pensent qu'à faire mal sans penser à celui ou celle qui est touchée. Mes mots te touchent, tu peux toujours aller te moucher. Mais pas les toucher, juste les écouter pour changer. Car sachez que l'être humain vient pas au monde fâché. Yeah. C'est pas facile, c'est pas facile. Quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on se renferme, alors on maquille. Nos soucis à plus s'y retrouver. On garde la tête haute car ici on a tout approuvé. Pas facile, c'est pas facile. Quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on se renferme, alors on maquille. Nos soucis à plus s'y retrouver. On garde la tête haute car ici on a tout approuvé. C'est pas facile, c'est pas facile. Quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on se renferme, alors on maquille. Nos soucis à plus s'y retrouver. On garde la tête haute car ici on a tout approuvé. Pas facile, c'est pas facile. Quand la peine s'en mêle et on vacille. Et sur soi on se renferme, alors on maquille. Nos soucis à plus s'y retrouver. On garde la tête haute car ici on a tout approuvé. Piano, DCLICK, yeah. Quand la peine s'en mêle, quand la peine s'en mêle, yeah.